Exercice 14, page 57. Dans mon imaginaire, une mère était une personne tendre et douce, généreuse, qui, pour un oui, pour un non, vous prend dans les bras et murmure les mots qui réchauffent le cœur.